Elle est toujours l'objet de ma méditation. Ta parole me rend plus sage, car je l'ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car ta loi est l'objet de ma méditation. Je plus d'intelligence que le vieillard, oh, oh, oh. Car j'observe tes ordonnances, yeah. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Que tes paroles sont douces à mon palais, là on va aller pour le baptême. Oui. D'accord, ta soeur va te trouver le un kaba pour le pain. Même le kaba. Et là on va aller. D'accord. Bon, asseyez-vous, on continue pour la suite parce que notre soeur a des questions. Bienvenue à nous à Yaoundé alors. C'est mon cas, c'est là comme le cas de Philippe avec avec le nez que tu as fait. Vous ne pouvez pas imaginer. Dès que je vais encore l'attraper au camp, je vais le laisser. Attends, c'est pas possible. Non, le Seigneur a tout disposé pour vous. Je t'ai expliqué, je te montrerai la voie. Tu dois suivre. Donc voilà le frère Mars, vous avez besoin de. Je crois que vous allez faire du moment où vous allez vous réunir ici. Vous pouvez venir de temps en temps. Il y a les frères Haché qui vont venir ici avec les frères La Gloire. Vous travaillez ensemble. D'accord. Toi, tu viens quand pour nous? Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore si le Seigneur m'envoie. Il dit c'est moi qui prie, c'est moi qui le prie. Il a dit qu'il vient. Il avait fait une semaine à Yaoundé. Oui, mais il est question. Donc, dès qu'il atterrit, l'agent, il sort seulement pour rentrer. Ici, on travaille bien. D'accord. Là, c'est Yaoundé. Là, maintenant, vous pouvez annoncer n'importe qui qu'il est là, venez. Il veut venir pour cela. Oui. On passe dans la présence du Seigneur, on voit toutes ces choses-là de la Bible. Non, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Même d'abord, on peut dormir comme cela. D'accord. On passe du temps dans la parole. On se sert même sur les lits partout. Voilà. Qui est content comme moi? Je suis plus que content. Il est content. On peut continuer, maintenant, n'est-ce pas? Je m'excuse. C'est bon, le coup de fil. Voilà, dans la première partie, avant qu'on ne parte en pause, on a donné Actes des Apôtres chapitre 1, relativement à la question de notre sœur qui nous a posé la question, et puis donner Actes des Apôtres chapitre 1. Vous voyez, au fur et à mesure, il y a beaucoup de questions qui sont posées, et les versets viennent au fur et à mesure aussi. Et là, par la suite, on a fait un crochet pour ceux qui servent à table, Actes chapitre 6, on a lu cela. Mais la pause, je vous ai demandé d'ouvrir Actes chapitre 1, on devait lire quelque chose là-bas. Donc, passons donc à finir de répondre au cours du film. Vous voyez, ces choses-ci, en voyant ça, il ne faut pas être déconcentré. Parce que quand vous sortez pour les coups de fil comme ça, là, il n'y a pas plus important que ces choses qu'on entend cela. Bon, on continue, n'est-ce pas? Entre temps, y a-t-il des questions? On peut prendre la question par où là? Bon, dans ton cahier, moi je te pose la question. Avec tous tes cahiers comme ça, quand tu écoutes, ton mari fait comment? Ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Il écoute ça, il regarde, il dit même, quoi? Même, bon, il ne croit pas beaucoup. Il se dit qu'il connaît beaucoup. Voilà. Que personne ne peut lui. Mais sinon, de temps en temps, il dit que oui, vraiment, je suis d'accord avec lui sur tel point. Il est homme de Dieu aussi. Mais non. Bah, quand tu écoutes les enseignements, tu imaginais la personne comment? Non, je connaissais déjà. Parce que dans les enseignements, il est tout le temps en train de dire comme je suis court. Exactement, c'est ça. Comment c'est ça? Donc j'imaginais et la face, c'est le jour où je sais pas, c'était avec eux qu'on était en train de parler de Georges. Georges Naman. Oui, qui avait. Dont je suis allé dans le site de Jésus TV. Oui. Pour chercher. Que son visage. Son visage. Tu as vu l'image avec ma photo là, avec le petit verre. Voilà. Tu as dit que c'est lui ici. Donc c'est lui là. Donc je connaissais déjà. Exactement. Oui. Moi aussi. Non mais quand tu as écouté donc, tout cela, tout ce que Georges Naman a dit. Non, attendez un peu. J'ai même répondu là. Oui. J'ai répondu, j'ai dit qu'il m'attendait un peu là, mais je ne vois pas ce qu'il dit que la vérité. Parce qu'il parlait du fruit défendu, qui est raison. J'ai dit que mais c'est logique, moi, il a, quand vous expliquez ça, moi je comprends et je trouve qu'il a parfaitement raison. C'est comme ça que j'ai envoyé, j'ai écrit. En tout cas, chacun a fait son rôle. Il va entrer. Des questions? Bon, on s'en va là, mais on peut continuer. Mais il y avait aussi quelque chose qui m'a un peu... Dérangé. Ah bon, pas dérangé. C'était la scène scène. Oui. Allons-y. Bon, le soir, c'est bon. Oui. Effectivement, c'était le souper. Il a lavé les pieds, les disciples. C'est vrai. Mais je me suis dit... S'il a lavé les pieds des disciples, c'était une façon de montrer l'humilité. Allons-y d'abord encore là-bas. Allons-y les lire. Ça aussi, c'est l'humilité qu'elle lui montre. Allons-y, ouvrons ce qu'il y a. Ah, Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Oh, Seigneur Dieu. Jean, le chapitre 13. Jamais. Oui, le livre de Jean. Jean, le chapitre 13. Vous y êtes? Oui. Juste, c'est de là dont il est question par rapport à la scène. Prenons à partir du verset 6 rapidement, mon frère. Jean 13. Oui, à partir du verset 6, il va lire ici. Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Stop. Si je te lave, tu n'auras point de part avec moi. Qu'est-ce que Jésus a de dire? Si c'est l'humilité qu'elle devra montrer. Parce qu'il a lavé pour tout le monde, il a lavé à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre a vu la grandeur de la personne qui a voulu faire cet acte-là. Il a dit, jamais tu ne pourras me laver les pieds. Parce que le service de lavage des pieds était le plus basse. Basse catégorie dans le service, parce que les gens avaient des tâches ménagères, avec les gens quand un être humain a des gens avec des gouverneurs, comment vous appelez cela, les gens qui travaillent à la maison, les ménagers, il y a des gens qui sont spécifiquement pour la cuisine, d'autres pour faire les chèvres, pour faire ceci. La plus basse catégorie, c'est ceux qui, quand quelqu'un arrive, on enlève les chaussures, on lave les pieds, parce que généralement ils portent les peaux de mouton. Quand on se cave la chaleur, ça sent les pieds, ça sent aux pieds là. Et bien, il y a la personne qui s'attache à ce stade là, c'est la plus basse catégorie du travail. Il se rend compte que le sauveur ne voulait le faire ça. Il dit jamais. Jésus dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Qu'est-ce que Jésus a de me dire donc? Continuons. Oui. Verset 9. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Donc c'est comme ça. C'est la condition. Si tu me laves pour qu'il soit avec toi, lave, laisse les pieds même seulement. Lave partout, même les têtes, même parler des pieds là. Donc on va revenir sur cet enseignement et de ces jours. Mais je vais aller droit au niveau de l'écrit. L'expression, est-ce que c'est l'humilité que Jésus voulait faire qu'on comprenne ici? Allons-y. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Oui. Et vous êtes pur, mais non pas tous. Oui. Car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Oui. C'est là où la question commence. Il a fini de laver, il est allé s'asseoir, il a pris ses vêtements, il a mis. Puis il pose la question. Comprenez-vous ce que j'ai vous ai fait? Hein? Oui. Continue. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien car je le suis. Mm-hmm. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, oui, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Soulignez dans ça. Et vous vous encadrez le verbe devoir qui est là-bas. Verset 14. Mm-hmm. Donc, quand il a fini, il a donné l'enseignement concernant. Encadrer le verbe là. Il a dit quoi, frère? Vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. C'est pas ce qu'il écrit là. Vous devez. Non. Donc, à chaque fois, on doit faire. Il a fait ça, il ne faisait pas ça chaque jour. Voilà ça qui est écrit là-bas. C'est seulement Jean qui présente cela. Mathieu n'en parle pas. Marc ne parle pas. C'est donc pour cela que c'est une facette où chaque personne décrit une personne. C'est tout. C'est le scénario de ce soir-là, mis ensemble, qui fait donc le jour. C'est tout le scénario qui est mis ensemble. Donc, c'est parce que c'est lui seul qui parle cela. Maintenant, on continue, c'est pas fini. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Il a fait comment? Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, c'est un exemple. Vous devez faire comme j'ai. Je ne sais pas comment on peut trouver, comment on peut faire autrement. Puis il dit au verset 17. Donc on ne peut pas. Si. Attends, non, regarde bien dans ta Bible. Verset 17 dit quoi? Verset 17 dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Pardon? La pratique. Donc c'est une mise en pratique. La leçon de l'humilité. Les disciples avaient déjà assimilé. Il est à la fin de son séjour terrestre ici. Ouvrez Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20. Que Dieu vous bénisse. Yaoundé, que Dieu vous bénisse. Amen. Wow. On y va. Oui. Regardez, il conclut au verset 10 en disant que si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Donc, savoir déjà, c'est une joie. Maintenant, reste à. Jésus a-t-il lavé les pieds? Bien sûr. C'est que tu sais, c'est bon. Pratique alors, c'est ça le problème. Pourvu que vous le pratiquez. Donc maintenant, on va maintenant voir la leçon de l'humilité. Mm-hmm. D'accord? La leçon de l'humilité. Dans cette partie-là, il n'est pas question de la leçon de l'humilité. Parce qu'au verset 1 du chapitre 13, la Bible déclare que Jésus-Christ, voyant donc que son temps, le moment était arrivé de passer de vie, mit le comble à son amour. Donc, ce n'est pas la leçon de l'humilité. Il est en train de montrer clairement le statut qu'il a fait jusqu'à lui présenter son amour. Donc ici, je sais pas, voici donc la leçon d'humilité. Là, on va lire maintenant. Dans Matthieu chapitre 20. Disons le verset 20 et 25. Allons-y. Verset 20 et 25. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Oui. Verset 25. Verset 20 jusqu'au verset 25. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que oui, mes deux fils, que voici, soit assis dans ton royaume, l'un à ta droite. Oui. C'est les gens qui passent par Marie, là, non? Continue. L'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Oui. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Mmh. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Non, c'est encore, tu veux une autre chose. Donc, il y a des intentions que tu fais, ça ne sert à rien. Vous avez vu, non? Que c'est réservé. Donc, quand Dieu a créé la terre, il a mis les deux places pour une personne, deux personnes. Donc, on ne peut pas négocier cette place-là. Même si tu es petit jeune, tu meurs dans le jeûne, il va t'amener là où tu devais t'amener. La chaise ne changera pas. Mmh. Continuons ici. Les dix, ayant entendu cela, furent indignés contre les deux frères. Donc, ça en est subitement, comme la mère a voulu élever les deux fils au détriment des autres disciples, ça a créé du remous au milieu des disciples. Maintenant, Jésus va prendre ça pour leur donner l'enseignement. C'est ici dans l'enseignement de l'humilité. Allons-y. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, oui, et que les grands les asservissent. Oui. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Oui. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Je crois que ici c'est clair. Dans Jean chapitre 3, il n'est pas question de la leçon de l'humilité, parce que la leçon de l'humilité, il les avait assimilés. Il leur avait dit de façon droite. Vous voici ici. Continuez, c'est pas fini. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Vous avez entendu? C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Une fois de plus encore, le verset, c'est venu dire encore quelque chose. Il n'a pas dit que comme la rançon de tout le monde. Il dit comme la rançon de plusieurs. Plusieurs, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont pour qui ce n'est pas. Tu as vu ça, c'est un soeur. Voilà les vérités de l'écriture. Et c'est lui qui ouvre sa bouche pour dire. Il n'a pas dit que le Fils de l'homme est venu pour donner sa vie pour tout le monde. Il n'est pas venu donner sa vie pour tout le monde. Il dit pour plusieurs. C'est ce qu'il dit de lui dans Isaïe chapitre 53. Que par son sacrifice, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Alors, il y aura donc une mauvaise compréhension de Jean chapitre 3, verset 16. Qui parle du monde. Non. On n'a pas dit là-bas qu'il a tant aimé le monde, qu'il a sauvé le monde. D'accord. On a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque. Non, c'est pas pour tout le monde. D'accord. Oui, tu voulais dire quoi, Ancien? Je voulais dire là justement, en train d'explication de qu'on ne donne pas sa vie, mais c'est lui qui donne sa vie. Il dit que le Fils de l'homme est venu servir pour donner sa vie. Voilà. Oui, c'est plein là. À tout bout de champ des Écritures, en fait, la foi de cette époque et la présence de cette époque a besoin de correction. On a besoin de correction à tout bout de champ. Bon, je voulais donc aller ici pour dire, dans Jean chapitre 13, il n'est pas question de l'humilité. Voici la leçon d'humilité, si ils avaient assimilé ça depuis. Dans la question de la soirée, en mettant cela avec les autres structures de la scène, dans la soirée, il a dit faites ceci en mémoire de moi. Donc, il a dit faites ceci en mémoire de moi. C'est-à-dire que vous pratiquez cette scène-ci en mémoire de lui. Et donc, qu'est-ce qu'on va pratiquer? On commence à voir maintenant dans les évangiles des gens, Matthieu, Marc, Luc, ce qu'il a pratiqué. Et puis, il dit ici, verset 17, le chapitre 13, vous savez ces choses-là, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, la scène-ci, c'est tout cela. Ça, c'est ainsi par la parole. Donc, les gens ont essayé de dire non, on ne peut pas laver le pied parce que c'était la leçon de l'humilité. Où est-ce qu'il y a la leçon d'humilité? Bon, vous comprenez, vous, ce que vous avez fait. Vous m'appelez maître et seigneur, c'est ce que je suis. Si moi, je vous ai lavé le pied, vous devez vous laver le pied les uns des autres. C'est ce qu'il faut voir. Vous devez. Parce que là, il y a peut-être trop. Il disait qu'il fallait prendre la scène sainte tous les jours. C'est courage, hein? Tous les dimanches. Encore, c'est grave. Là, c'était même tous les jours. Mm-hmm. Et il expliquait. Non, il prend acte chapitre 20, on dit qu'il persévérait chaque jour dans la vie, il prend le plein dans la maison. Ce n'est pas ce que la Bible a dit. Ce n'est pas la scène sainte. Parce que c'est une mémoire. Faites ceci en mémoire de moi. La mémoire, c'est quoi? La commémoration, ça veut dire quoi? On commémore. Jésus est mort tous les jours. La commémoration, c'est un anniversaire. Et l'anniversaire, c'est quelque chose de périodique. Oui. Puisque Jésus, dans l'Ancien Testament, la Pâque était commémorée. Il dit que dans Exode chapitre 13, mais c'est ce que la Bible déclare. L'image de ça dit que vous célébrerez cela à chaque époque de l'année, au temps fixé. Il dit chaque fois que vous allez célébrer cela, vous vous souvenez, quand vos enfants vous demandent que c'est quoi, vous dites que quand on était en Égypte, Dieu a fait ça. Non, c'est quoi, un souvenir de quelque chose. Jésus a dit, faites ceci à un moment. La propos dit, chaque fois quand vous le faites, vous annoncez Christ juste à ce qu'il vient. On fait cette année, s'il n'est pas venu, l'année prochaine on fait. L'année prochaine on fait, on annonce qu'il est arrivé. C'est ce qu'il vient, pas vrai? Essayez de faire chaque jour, vous allez voir. Bien sûr. Ah, il est mort combien de fois par moment? Donc je crois qu'il y a l'enseignement là-bas, la précision sur la Sainte Seine. D'accord? Et la seule fête chrétienne, on en a parlé là-bas. Des questions? C'est grave. Bon, l'autre point du dimanche, sur quelle base? J'avais vu la célébration de la Sainte Seine et de. Le comme c'est que c'est même Georges qui présentait cela. Non, je n'ai plus compris. Ah, là où je prêchais. Non, c'était un samedi, il a appelé, ça c'était avant là, en 2000, je ne sais pas, en 2000 comment. Lui dans Jésus de télévision. Oui. Alors, c'était parce que on devait célébrer. Il a dit, frère Junior, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que ça présente en direct. Il n'était même pas préparé. J'ai dit, ok, présente alors, on a mis l'ordinateur là-bas. Il a fait passer ça en direct. Donc c'est pour ça que ça s'est passé. Donc enfin, il n'y a même pas trop passé la connexion dérangée. Que ce soit n'importe quoi. Mais question? Oui, ma chère. Oui, prenons ici, parce que pour une, on n'est pas continue. Si elle pose la question. Dans les églises, oui. On s'arrête seulement à donner le pain, oui. et le folleret. Ou la grenadine. Oui, aussi. Voilà. Le matin, non? C'est normal, c'est un petit déjeuner. C'est un bon petit déjeuner copieux. Est-ce que les gens ne dorment pas? Parce que dans là, les servants, ceux qui vont aller servir portent le blanc noir. Le pasteur porte le gandoura, on met tout en blanc, on couvre, on fait solennel. Tout le monde est sérieux ces jours-là, n'est-ce pas? C'est quand même vrai, sérieux pour eux, mais c'est faux d'après la Bible. Donc je me demandais, avec l'enseignement que je reçois là, je me demandais que est-ce que ce qu'ils font est donc incomplet. On pose d'abord la question. Quand tu vas dimanche matin, tu parles le matin, tu marches avec tes pieds, prends ta Bible, vois. Lève-toi. On commence à marcher comme si tu partais à l'église. Tu marches. Cette sœur, si tu te regardes, elle dit que tu pars où? Tu dis que tu pars où? Pour faire quoi? Non, non, ce jour-là, c'est quoi? C'est la Sainte Seine, non? Tu dis pas faire quoi? Pas la Sainte Seine. Le dimanche matin. Et la Sainte Seine, ça veut dire quoi? Le repas du Christ. Saint, c'est ça que ça veut dire Sainte. C'est ce qu'on nous a expliqué. Sainte, ça veut dire le repas du soir. Et tu pars à quelle heure comme ça, ma soeur? Donc tu passes pour souper. Toi, tu soupes le matin ou c'est le soir? Tu vois qu'on a des problèmes, n'est-ce pas? Tu vois qu'on a des problèmes. Tu portes la Bible, le pasteur dit. Il ouvre la Bible dans ce même livre de Matthieu. Jésus a dit, faites ceci à le moment de mort. Tu es étonné. Tous les jours, je prenais la scène, c'est le matin. Donc quand j'ai suivi, tu as dit que c'était le soir, j'ai changé. J'ai commencé la femme. Tous les soirs. Tous les soirs. Je suis super important. Courage, là, commencer. Donc, quand on cherche Dieu, c'est terrible. Non, je crois que bon, cette année, c'est le 30 mars. Cette année, c'est le 30 mars. On va célébrer. Je crois que les frères viendront et ça, ils vont pour cela. Le 30 mars. Note la soeur. On va célébrer la Sainte Seine avec le frère du Dieu. Yaoundé. Est-ce qu'il dit ça? Amen. Est-ce qu'il dit? Il dit que le 30 mars. Les frères viendront ici pour cela. Non? Il ne peut pas être partout au même moment. C'est le Seigneur qui a dit qu'il est partout au même moment. Donc, vous voyez effectivement qu'il faut que chaque chose que nous prenons. Je crois qu'il y a un autre enseignement là, le nettoyage issu des illuminations, la première partie. J'attends que Dieu me donne la deuxième partie. S'il donne l'autre la deuxième partie, on va. Parce qu'il y a des choses terribles. J'ai fait tout et tout pour que les gens me considèrent toujours comme le seul frère. Parce qu'il y a des choses que si on dit, c'est que peut-être les cheveux des gens vont se dresser. Donc c'est mieux qu'on bat doucement. Regardons ces choses-là. Il faut corriger tout cela. C'est vrai, on a toujours fait ça, on a senti la chair de poule. On a fait cela, c'était bon, on a toujours fait comme ça. Mais il arrive un moment donné, il faut qu'on s'arrête. Pour dire vraiment, je sais qui. Il faut qu'on s'arrête vraiment. Je sais qui. Voici la parole. Ce jour-là, il lève le gandoura. Il ouvre comme ça. On a déjà coupé le petit pain. Il lit là-bas que le jour-là, il prit le pain, il rompit. Lui, il a rempli le pain. C'est devant lui, noir et blanc. Il ne se pose pas la question. Il a rompu le pain. Après avoir rendu grâce. Et s'il a rompu le pain, et puis il rend grâce. Et il a fait ça en mémoire de Jésus. Dans lequel c'est quoi était important. Il faut être rigoureux dans la parole. Après cela, après le souper, il prit la coupe. Lui prend ça. Il lit dans la Bible. De même, après le souper, il lit sa haute voix au micro. Le matin. Oui. Non, on a des problèmes. Donc il prend une coupe. Ça, c'est chez les catholiques. Il dit de même, après avoir soupé. Prenez, buvez. Il finit de dire comme ça là, celui qui boit. Et la Bible est là devant lui. Ce qu'il a décidé n'est pas ce qu'il a voulu faire. Le pasteur Pantoutier aussi prend. Et même après avoir supplié, il prit la coupe. Les coupes sont là. Il dit qu'il prit la coupe. Il y a les petits gobelets là-bas. Il dit qu'il prit la coupe. Voilà les petits gobelets. Il dit buvez-en tous. Car toutes les fois, vous savez, il a pris beaucoup de gobelets. Parce qu'on doit prendre une seule coupe. La coupe que nous buvons. Ce n'est pas la coupe au sang de Dieu. La coupe. La coupe que nous buvons. On en boit dans la coupe. Le pain que nous rompons. On en rompt le pain, pas les pains. Pas ça, ma soeur. On a des problèmes. Et puis maintenant, petite, les soeurs, maintenant, ils ont enfilé le noir et blanc, passe partout, tu prends ça. Tu prends un peu, petit pain, tu prends le foulard, tu bois. Tu es calme, tu es sûr que tu as servi Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. En même temps, le gars est sur le piano, là-bas, vroom, vroom, avec un peu de boucle ici. Et les lox. Petit là-bas, aïe aïe aïe, Jésus est bon, de natage. Non, c'est bon. On va dire que nous, on est rentré, on a servi Dieu aujourd'hui. Il est temps qu'on, franchement, on quitte tout ce qu'on a pensé. On demande, Seigneur, nettoie-moi. Nettoie-moi et donne-moi de suivre ta parole. Si vous allez dans ces points-ci là, vous allez avoir deux réactions. Vous allez penser que soit vous êtes fou dans l'erreur, ou bien la Bible n'est pas vraie. Parce qu'on a tellement fait le faux que. Le faux a eu le temps de s'implanter, de s'enraciner. Au point où, quand tu vois la vérité dans la Bible, tu vois ce qui est prêché, tu as compris que c'est toi qui as le problème. Pourtant, en réalité, ce n'est pas toi qui as le problème. Parce que les Saintes Écritures disent ce qu'elles pensent et pensent ce qu'elles disent. Et c'est celui qui va tenir ferme dans les Saintes Écritures qui seront consistants avec le Seigneur. Pas en suivant les hommes. Vous voyez, là on en est. Il dit que quelqu'un prend la coupe. Il se lève comme ça, il dit que de même, il lit dans la Bible, parce que quelqu'un a à sa droite en train d'arrêter la Bible. Parce qu'il ne peut pas, il ne peut pas citer. Il dit de même, après avoir soupé, et lui, c'est un professeur même, peut-être même de lettres. Il enseigne aux enfants que le souper c'est le soir. Et là, il se trouve à 8h le matin. Il ne dit pas de même, même changer, même que de même après avoir déjeuné. Comme ça, il finit de distribuer aux gens. Là, se trouve, on dit le fruit de la vie. Il a mis la grenadine. Il dit le fruit de la vie, il met la grenadine. Il dit l'important, c'est que on ne veut pas que la grenadine a la couleur du sang. Mais la Bible déclare que le jus du raisin, c'est le symbole de la droiture et de la justice. Il ne sait pas pourquoi ça doit être là-bas. Vous voyez là, on peut mettre le foleré. L'autre met le vin rouge. Le catholique met le vin de messe, c'est transparent, succulent. Succulent. Les enfants de messe, avant de les mettre devant, boivent un peu vol. Ils sont dans le vol, ils envoient les gens dans le vol, dans l'idolâtrie, tout de suite. Donc, si vous avez mangé là-bas, vous avez mangé chez Bézébé, de toute façon. Parce qu'il n'y a que deux tables, la table du Seigneur et la table de Bélial. J'ai une préoccupation. Quand vous venez de dire tout à l'heure, parfois on se dit. Elle peut parler fort, plus que ça fait. Elle peut vraiment parler. Elle peut vraiment parler fort. Ou bien elle est fâchée comme je suis venue ici à Yaoundé. Non, je ne suis pas fâchée, au contraire, au contraire. Au contraire, parfois on se dit qu'on est dans l'erreur, parfois on se dit qu'on a un problème. Et c'est mon cas par exemple, je suis dans une assemblée où bon, j'ai des responsabilités qu'on m'a confiées, mais il y a des choses qui se passent, parfois je n'approuve pas. Du coup je me suis dit, que je suis dans l'erreur, parfois les gens te chantent à la chorale, c'est comme si... Ça ne va pas. Dans la base, ce que tu vas poser la question d'abord, premièrement, c'est d'où vient la chorale. Faut que ça soit répondu. Quand tu la réponds, tu vas avancer. Pourquoi l'iniquité? Parce que tu as d'aller enlever l'iniquité dans la chorale alors que la chorale est inique d'abord. Tu vois le problème, ma soeur? Je vois. Bon, là, dans ce cas-là. Comment, ma soeur? Tu ne comprends pas. Tu as ta Bible là-bas. Bon, montre-moi dans l'église le chorale. Dans ta Bible. Les anges sont dans l'église. Ils louent le Seigneur en haut là-bas. Tout le monde loue le Seigneur, même les chrétiens louent le Seigneur. Ça c'est clair. Donc on loue Dieu là maintenant. Il parle de la chorale. Donc la chorale c'est de son peuple. Mais la louange c'est les gens. La louange c'est fait par les gens. Mais là tu as dit que quand je vois dans la chorale, donc la chorale est spécifique, n'est-ce pas ma soeur? Donc, il a dit c'est au milieu de la langue de son peuple. Donc parce que nous sommes assez réunis, on chante, ils siègent là-bas. Si tu as des fêtes à cuisine, tu chantes, ils siègent là-bas. C'est pas ça, ma soeur. Nous parlons ici de la chorale. La chorale, c'est quoi? Je pensais que la chorale, c'était aussi pour mettre un peu d'ordre dans l'église. Ok. Donc voilà. Donc l'apôtre Paul, comme il avait dit que je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, il avait oublié l'autre là, quoi. Frère, c'est un grand choriste. Non, non, attends, je sais pourquoi. Parce qu'on vient samedi soir, on travaille sa voix pour arrimer. On teste le banc, tum. Donc ça devient, chante un peu, non ma soeur, ta voix ne me plaît pas. Donc on chante pour ça pour lui. C'est ça ma soeur. Bon, montre-moi dans la Bible, le groupe de chorale dans l'église. Quel est le rôle dans le corps de Christ? Quel est le poste de chorale dans le corps de Christ? Quand vous allez trouver cela, on va avancer sur le sexisme que les paroles ont, la fornication qui s'y pratique. Parce qu'on a la fornication dans la chorale. Quand vous avez fini d'enlever la chorale, l'impureté ou la manière même de se tenir. C'est ça que j'en ai dit. C'est ça que j'ai dit parce que c'est ça qu'elle a dit. Il dit quand elle reste comme ça dans l'assemblée, elle voit au milieu de la chorale, c'est que c'est pas peut-être les femmes chantent, les seins sont dehors, les cuisses sont dehors, dans cette tenue. Pour moi, c'est pas ça. Non, non, j'en ai dit que c'est ça qui se passe là-bas. Il dit quelque chose que tu as monté dans la chorale, qu'il faut dénoncer. Commençons par la chorale elle-même. D'où est-ce qu'elle vient? Quand tu vas répondre à la question, on va avancer. Donc, on a des problèmes. En fait, moi, je sens tout le carré de moi. Non, j'ai compris. Tu as dit, quand tu es là-bas, tu observes, tu as compris que c'est toi qui as le problème. Oui. Mais tu as parlé du cas spécifique de la chorale. Oui. Parce que quand tu observes, quand on chante, tu ne sens pas. Elle vient d'où, la chorale? C'est la question. Vous avez lu, depuis que vous lisez votre Bible, vous avez vu ça dans l'église? Mon frère, excuse-moi, je sais que généralement, quand moi j'étais dans la dénomination, on disait souvent que Comme c'est par le fort, non? Oui, on disait souvent oui. Que quand on parlait des chambres, parce que j'étais en train de dire, s'il n'y a pas chorale, oui. Moi je sais qu'il n'y a pas chorale. S'il n'y a pas chorale, il n'y a pas chambre. Oui, il n'y a pas le ministère des chambres, n'est-ce pas? Il n'y a pas le ministère des chambres. Alors dans ce cas, qui les inspire? On y va, on continue. Seigneur. Donc c'est celui qui a inspiré, qui font des mauvaises choses. Ils sont pour la gloire de Dieu, ils disent qu'ils sont pour la gloire. Non, il dit, donc c'est le Seigneur qui l'a inspiré, qui font quelque chose, ils greffent quelque chose au corps de Christ qui ne se trouve pas dans, dans son conseil. C'est ça, ma soeur. Mais si ils ont trouvé certains passages bibliques qui veulent. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a inspiré, a enseigné ça dans l'église, parce qu'il a dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et j'ai dit, vous avez dit, montrez-moi ça, vous n'avez pas vu. Donc ça dit, il y a une révélation cachée quelque part. Derrière les chambres. Bon, comme dans les psaumes, on dit qu'on chante. Comme par exemple dans le psaume, il y avait l'église dans l'église là-bas, dans les psaumes. Frère, oui. Quand dans Acte 16, là, oui. Paul était en prison. Ça, c'est le groupe de, c'est le groupe de Cora qui était en. Tous les prisonniers qui chantaient. Voilà, donc tous les prisonniers étaient des choristes, c'est ça, non? Ils chantaient tout simplement les cantiques. Ils chantaient les cantiques du Seigneur, louaient Dieu. Tout le, on dit les prisonniers les entendaient. On dit Paul et Silas chantaient les cantiques et louaient Dieu. D'accord? C'était, donc, Paul et Silas étaient les choristes dans l'église de la prison. C'est ça, non, mon sœur? Ce que je veux dire. Défendez-vous votre poste. Oui, on dit souvent que. Je sais qu'on dit souvent qu'on chante aux choristes de faire attention parce que Lucifer, qui était l'ange de lumière, c'était le plus grand chantre dans le ciel. Ouais. Donc, si tu tentes, il va t'employer. Si tu tentes, tu vas dévier. Parce que si lui, voilà, tu vas aller de son côté parce que lui, là, il a basculé quoi. Donc de ce moment chante de faire très attention. Effectivement, c'est là qu'il y avait le plus de péché dans soi-disant ce ministère là. Je me suis rendu compte dans les ministères même que l'apôtre Paul nous donne, il n'y a pas le ministère de chant. C'est pour ça d'où ma question. D'où est-ce que ça vient? Je crée ça. Je pose la question, il y a la réponse. Il y a une origine de cela. Je me dis comme parfois la parole de Dieu, Dieu siège au milieu de la loi de son peuple. Par conséquent, il faut chercher des moyens pour également, comme il siège, oui. Il faut chercher des moyens pour qu'il vienne vraiment siéger réellement. Ma soeur, il a dit Dieu siège au milieu des enfants de son peuple. Son peuple ne commence pas en 2011. Il ne commence pas en 1980. Donc il y a un moment, le Coran s'est dit que tous les autres, là, les apôtres qui ont établi là, Dieu ne siégeait pas au milieu d'eux. C'est ça le problème. Si le moment où il siège, c'est quand il y a le choriste, il faut qu'il décourage chaque fois quand il est siégé. De ceux qui savent le jour, avec les trompettes, l'autre oui. Avec les têtes. Ça, c'est au choriste, quand c'est au choriste qu'on adresse ça, c'est ça, non? Les bassistes. Oui, les bassistes, oui, les solistes, ainsi de suite. Les pianistes. La question qu'il pose, c'est au choriste, non? Donc, le psaume là, c'est écrit pour le choral de l'église, c'est ça? Aux enfants de Dieu. C'est tout le monde. On a des problèmes. On a des problèmes. Donc moi je peux me prendre là et dire que je fais ma trompette. Colossiens, hein? Prenez Colossiens. Que Dieu bénisse. Tout à l'heure, dans la première partie, nous avons noté un Coranien chapitre 1 qu'on n'a pas lu et Acte 1 qu'on n'a pas lu. Dès que vous avez ouvert Colossiens. Chapitre 3. Verset 16, qu'est-ce que ça dit? Colossiens chapitre 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Oui. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Tiens, donne ça, ma soeur. Tu as lu ça? Hein? On s'adresse à qui? Ça, c'est le Nouveau Testament. Et ça, c'est l'ordre de la personne qui annonce au conseil de Dieu qu'elle a annoncé ainsi. Il dit qu'on fait comment? Qu'on s'instruise et qu'on s'exhorte les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans le groupe de chorale. Non, tu n'as pas la bonne version. Dans le cœur. Non. Dans le groupe de chorale. Que le choriste anime. Vous anime l'ambiance. Tu as monté le verset. Allons-y, Éphésiens chapitre 5. Notez. Éphésiens chapitre 5. Cette fois-ci, Éphésiens. Chapitre 5. Verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Éphésiens chapitre 5. Verset 10 et 9. 19. Entretenez-vous par des psaumes, oui. Par des hymnes, oui. Et par des cantiques spirituels, oui. Chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça, c'est à qui qu'on adresse? Au peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. En ce temps-là, il siège. Oh là là, c'est terrible. En ce temps-là, il siège. Donc, c'est pas le bruit qu'on fait là, boum, boum, boum, boum, boum, là-bas, qui fait qu'il vienne là-bas. C'est que ça doit être inspiré de lui dans le peuple. Donc en clair, il n'y a pas un ministère de chant. Parce que le chant est donné à tout le monde. Mm-hmm. Voilà le vrai problème. Le chant est donné à tout le monde. Dieu s'attend à ce que chacun loue le Seigneur de son cœur. J'ai le don de chant. Ma soeur, quand le pasteur veut construire son église, il dit ma soeur, Dieu t'a dit, professeur Dieu, il a de faire son business. Mm-hmm. Il cherche des gens qui vont faire chaque tâche. Mm-hmm. Dieu, dans cette voie-là, il faut louer Dieu avec cela. D'abord, tu seras chef de chant, tu seras bon, la sœur. Comme on ne connaît pas la direction du Seigneur, on est sûr qu'on a de servir Dieu. Mm-hmm. Tu as beau dire n'importe quoi, tu es comme David qui a de l'aller porter lâche, ça va tuer Uzza. Le prophète va lui, quand il va se tenir là-bas, il va dire, vous n'avez pas cherché Dieu selon sa parole. C'est simple. Des questions? Si vous ne me posez pas de questions, moi je vais vous en poser. Il y a encore. Moi, je reviens ici. Oui. Uh-huh. On prend comment? Je veux revenir à la question concernant l'appel. Oui, l'appel. Comment dois-je savoir mon appel? Comment répéter mon appel? Uh-huh. Il y a un enseignement, je crois que les soeurs vont te donner cela concernant cette affaire d'appel. Il y a deux niveaux d'appel. Il y a le premier appel qui est donné par l'évangile. Ça, c'est l'appel pour qu'on entre à la maison. Comme quand la brebis est égarée, le maître vient dans le champ pour chercher. Mais, pour qu'il entende la voix de son maître. Quand il entend, il retourne à la maison, pas la mettre à sa place. D'accord? Dans Romains chapitre 8, verset 28, il dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés, vous avez vu le mot? De ceux qui sont appelés selon son destin. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas? Donc, ça dit qu'il l'appelle selon. C'est donc pour ça qu'il dit que le problème ne sera pas de servir. Il faut aller sauver. Il faut confronter celui-là. Parce qu'il a un dessein, il a un but de ton appel. Et le vrai problème maintenant, c'est qu'on a, les êtres humains ont mis certaines stratégies sur la terre pour essayer de découvrir. Maintenant, ok, tu as cru au Seigneur Jésus-Christ. Normalement, quelle est la prochaine étape à faire pour savoir c'est à quoi on a été appelé? Ça, c'est la vraie question. Ah, les pasteurs disent non. Il faut que tu te soucies du salut des autres. Quand tu vois ici, tu viens chaque fois à l'église, elle n'est pas remplie. Les bancs sont vides. Il faut aller appeler les gens, quoi que les gens font mal. Toi-même, tu es là, tu ne sais pas sûr que tu es dedans. Il faut dans les techniques d'évangélisation. Vous allez dans vos quartiers, vous faites les brochures, vous invitez les gens. On te dit, qu'est-ce que tu dis que tu aimes ta mère? Il faut les amener à l'église. Comment tu penses que toi, tu viens? Y a-t-il un verset qui dit que si vous venez vous asseoir à l'église, vous êtes sauvés? Est-ce que quand si on remplit que tout le banc est rempli, il a le désir de voir les gens remplis aussi dans sa dénomination. Parce qu'en toile de fond se trouve le porte-monnaie. Vous allez venir maintenant dire qu'on est nombreux, maintenant il faut les bancs. D'autres fermes membres de terre, quand on s'assoit sur les chaises, on me donne 100 francs. On paye la chaise sur laquelle on s'assoit. En évoquant le nom du Seigneur. C'est terrible ce que Dieu va faire devant les prédicateurs. Maintenant, quand tu crois, on dit ok. Maintenant, allez sauver les gens. Maintenant, sache que c'est ta responsabilité. Jusqu'à dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand il a appelé les apôtres, il ne les a pas amenés chaque fois à les prêcher. Jusqu'à ce qu'ils soient prêts, il commence à les envoyer deux à deux. Jusqu'à ce qu'ils soient prêts, il les envoie deux à deux. Vous voyez cela? Il les envoie exactement de façon spécifique quelque part. Il n'a pas dit que vous tous qui croyez en moi, allez annoncer. Pourtant, il pouvait le faire. Les gens croyaient en lui. D'autres à d'autres. Ah, Seigneur, il était sur partout. Tu as dit que non. Rentre dans ta famille, va dire ce que Dieu a fait pour toi. À l'autre, l'autre dit, Seigneur, il te souhaite partout où tu as. Pour le décourager, il dit que sache que tu te fais chez moi, il n'aime pas l'argent d'or. Il dit, pardon, il n'a pas le fils de l'homme, il n'a pas de la tête, il met la tête. Il dit, ok, si c'est comme ça, il n'a pas le ministère, il ne vient pas. L'autre ne veut même pas. L'autre ne veut même pas. Il dit, toi, suis-moi. Il laisse ce qu'il a de faire, l'argent qui comptait au péage. Il commence à le suivre comme un mouton. Il suit comme ça, jusqu'à ce que plus de 2 ans. Il bavarde qu'il sera difficile à un rédempteur dans le royaume car un chameau de rentrer dans le trou d'une aiguille. Après, c'est là, il se pose la question du maître. Ça fait plusieurs années que nous avons abandonné tout abandonné pour te suivre. Ce sont les pères d'enfants qui travaillaient, qui abandonnent tout pour le suivre. Quand sera-t-il de nous? Il dit qu'il n'est personne qui, ayant quitté son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, ses maisons, il dit à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Regarde bien le mot. C'est ça qui le fait quitter. Quel homme ne te demande pas de quitter ton travail ou de quitter ton truc pour quitter, pour suivre Jésus? Il faut que ça soit une cause du Seigneur lui-même. Vous voyez cela? Il est venu vers Lévi. Il a dit, il n'a pas demandé que tu fais quoi ici? Il a dit, suis-moi. Il ne demande pas le renseignement sur ce que tu fais. Ce que tu en as fait parce qu'il est au courant de cela. Quand il a vu l'apôtre Pierre dans le chapitre 5, alors que j'étais le filet partout là-bas, terminé toute la nuit, il a dit, jetez le filet, avançons en plein mer. Après, ça va parler aux gens en bord de la mer. Après, il dit, avançons en eau profonde, jette le filet. Il a commencé à dire, nous avons pêché toute la nuit, on est spécialiste de pêche. Toute la nuit, dans la zone, s'il n'y a pas de poisson, jette le filet. Le mot jette le filet a un sens dans le corps, dans la connotation spirituelle. Jette le filet. C'est le Seigneur qui sait ce qu'il va attraper. Il connaît celui qui est là-bas. Jette le filet. Il jette le filet, c'est comme ça. Il sent qu'il y a un poisson, c'est comme ça. Il guette son frère, c'est le rêve. On était ici toute la nuit, il n'y a pas l'eau. Il tire, le poisson est là. Il reste moins tranquille. Pierre a compris. Là, il n'a pas parlé à la cour de Pierre que veux-tu me suivre. Il reste tranquille. Pierre venait juste jeter à ses pieds que c'est toi. Éloigne-toi de moi. Toi, tu avais déjà d'ambition là. Pas toi seulement. Je suis un pécheur. Pas pêcher du poisson, c'est parce que pêcher, c'est quelqu'un qui vit dans le péché, dans le dérèglement. Il dit, désormais, je te ferai pêcher d'hommes. Il dit, désormais, je te ferai pêcher d'hommes. Nous parlons de l'appel là. Ça pose problème. Regardez, il le rencontre. Quand ce scénario se passe, il dit, désormais, tu seras pêcher d'hommes. Donc, ça veut dire qu'à partir de cet instant-ci, sa direction de la vie, c'est pour faire quelque chose. C'est seulement ça qu'il doit faire. Parce que dans le plan de Dieu, c'est ça à quoi il a été appelé à faire. Mais le vrai problème, c'est que quand Jésus l'appelle là physiquement, ce n'est pas à ce moment-là. Jean chapitre 17. Jean, le chapitre 17. Que Dieu vous bénisse. Il faut suivre l'heure. Il est quelle heure? Oui, il est 17h. Ok, donc à 17h, il faut qu'on sorte pour, avant que la nuit ne tombe pour aller baptiser. Ok, que Dieu vous bénisse. Donc, tu prends déjà le dispositif. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 17. Eh mon Dieu! Non, ne t'inquiète pas, même le 9. Tu vas vous baptiser en blanc, non? Jean chapitre 17. Parce que vous savez, dans la parole, si on plonge là, comme ça, on peut se retrouver comme ça là. Mais le 29, nous avons fait ça. Je pense qu'il faut qu'on fasse d'abord. Oui, on parle d'abord, fait cela. Oui, la volonté de. C'est ça qu'il dit justement. Oui, à 17h. Oui, 17h exactement. Donc, suivez cette. Après son père. Et la montre aussi. Prenons le verset 3. Or, la vie éternelle. C'est qu'ils te connaissent, oui. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Continuons. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Écoutez maintenant doucement, écoutez, on va inverser. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ici, ça commence à poser problème. Il dit, j'ai fait connaître ton nom. C'est encore notre enseignement là-bas. Oui. J'ai fait connaître ton nom à tout le monde entier. Tu as vu ça, ma soeur? Eh, ma soeur? C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Vraiment? Tu es sûr? J'ai fait connaître ton nom aux hommes. Oui. Aux hommes, le pluriel. Oui, le pluriel, oui. Continue, je sais. Que tu m'as donné. Oui. Du milieu du monde. Donc, il a fait connaître son nom à tout le monde. Aux hommes du milieu du monde. D'ailleurs, dans le monde, il y avait certains hommes. Voilà. On continue. Dans le monde, il y avait certains hommes qui, oui. Dieu a fait qu'ils puissent. Tu vois, la Bible est bien dans l'espoir, ça devient circulant, n'est-ce pas? Donc, il n'a pas fait connaître son nom à tout le monde. Et même, faire connaître son nom, c'est un autre enseignement. Parce qu'il n'y a aucun verset qui est venu dire aux disciples que tu connais le nom de Dieu, parce que les Juifs connaissent que le nom de Dieu. Il n'est pas venu dire que non. Sache que le nom de Dieu, c'est Jéhovah. Hein? C'est parce qu'il a dit le dire. Sache que le Dieu, il se perd. C'est le Père. Parce qu'il n'y a pas un enseignement comme ça. D'accord, ma soeur? Il a fait connaître son nom. Il s'est révélé comme il le voulait à ceux qui s'est choisi du milieu du monde. Mais là, ici, il dit, j'ai fait connaître ton nom. Regarde bien la façon qu'il dit ça. Aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Donc, à la population du monde, il a dit à Jésus que il va révéler toi à telle personne. Telle personne. Telle personne. telle personne. Je te pose la question, qu'est-ce qu'ils ont fait pour recevoir cette révélation? Rien. Les autres ont fait quoi pour ne pas recevoir? Alors donc, comment tu, toi qui as reçu la révélation, tu veux forcer quelqu'un à qui ce n'est pas destiné de recevoir? Comment on peut faire ça? Avançons, donc, autant de choses. Il dit, j'ai fait connaître ton nom que tu m'as aux hommes, que tu m'as donné du milieu du monde. Ça, la France ne s'achète pas là-bas. Il dit, ils étaient à toi et tu me les as donnés. À quel moment donc ces gens étaient à Dieu? Dès le commencement du monde. Donc, dès le commencement du monde. Ça veut dire que quand Jésus naît, l'apôtre Pierre naît quelque part, il grandit, il part faire ses trucs, il commence à nager, il apprend la chasse et autres. Tout cela, c'était les entraînements de Dieu. N'est-ce pas? Il n'est pas allé dans une école pour qu'on le forme ou comment découvrir son appel. Si tu es appelé, tu vas entrer. C'est simple comme bonjour. Donc tu patientes, tu es là. Mais attends, lui il était quoi? Il s'est pas embosé de mec que Jésus est venu trouver. Le temps de Jésus, non. Ça, le temps de Jésus. Ça veut dire que le temps de Jésus est passé alors. Non, non, non. C'était au temps physique de Jésus. Oui. C'est physique. Donc, maintenant, comme s'il est déjà en esprit, on fait comment? Quand un esprit, c'est encore plus bien parce qu'il a dit que c'était avantageux pour lui de partir. Dans le moment de son manifestation physique, c'est même plus bien que. Parce que quand il était physique ici, là, quand il marchait, souvent les gens criaient derrière, ils ne répondaient même pas. Alors que maintenant, le Saint-Esprit est disposé. La chair est ferme, l'esprit est disposé. Donc, dans le moment de l'esprit, c'est le moment marqué par le Père. Et donc, c'est les gens qui ont autant de Jésus physiquement. S'ils n'étaient pas mieux comme nous. Parce qu'on on voyait plutôt, tout même Moïse voyait plutôt la gloire qui sera marquée l'après-quoi. Mais moi, j'ai un problème parce que je veux savoir comment le savoir. Le problème, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est là le problème. Le secret, c'est là-bas. Le problème, c'est là-bas. Donc, tout ce que tu as posé comme problème là, le problème se trouve là-bas. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit octroie et dispose chacun à sa place. 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous été bâtis dans un seul corps pour former un seul corps, soit juste un grec. Et par conséquent, tu ne peux pas dire que comme tu n'es pas de l'œil, tu n'es pas du corps. D'accord? Donc, le Saint-Esprit prend quelqu'un, le met à sa place. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens, tout à l'heure, je vous ai dit, Actes chapitre 1. Si vous lisez Actes chapitre 1, verset 14, la Bible dit que quand Jésus est monté, ils sont montés ensemble, tous ensemble, ils persévéraient dans la prière. On a cité tout ce qui était là. On dit Marie, mère de Jésus, et même les femmes, les autres femmes. Elles ont reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Montre-les moi la pour avec le Saint-Esprit d'aller les prêcher. Allons-y. Allons-y. Tu peux trouver. Non. À cet instant, la Marie s'arrête là, n'est-ce pas? Les Magdala s'arrêtent là, non? Pourquoi le Saint-Esprit les met dans le silence alors qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? Elles ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que les autres apôtres. Vous voyez que le même Saint-Esprit qui est descendu tout le monde a mis la place de l'apôtre Paul, de l'apôtre Pierre, à sa place de l'autorité. Ça n'a pas. Personne n'a jamais contesté que comme on a reçu le même Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin de dire toi que je sois. L'apôtre Paul, quand il partait prêcher avec Barnabas ou bien avec Apollos, quand il prêchait, personne ne contestait. C'est le même Saint-Esprit qui prêchait la prédication. Et l'apôtre Paul là-bas, Barnabas, quand il marchait pour exhorter, c'est le même Saint-Esprit qui exhortait. Vous savez, n'est-ce pas? Et par conséquent, personne ne dit pas, ok, comme il y a le Saint-Esprit, je peux prêcher. Le Saint-Esprit n'est pas là pour vous prêcher. La personne qui a été appelée à la prédication, le Saint-Esprit de la prédication prêchera au travers de lui. La personne qui a été appelée aux prophéties, le Saint-Esprit prophétisera au travers de lui. Et par conséquent, le même Saint-Esprit agit selon sa volonté, selon l'appel de chacun. Donc le fait que tu as le Saint-Esprit, l'apôtre n'a pas un Saint-Esprit différent de celui de le prophète. N'a pas un Saint-Esprit différent de celui qui prophétise. N'a pas un Saint-Esprit différent de celui qui donne les paroles de connaissance ou bien exhorte les choses. C'est le même Saint-Esprit. Les rôles diffèrent. Vous avez les recrutements militaires, on recrute tout le monde. Chacun porte la tenue de la même façon. Mais ici, il y a un mécanicien. Donc, vous le regardez, il a un galon de caporal. L'autre caporal, c'est un électricien. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Un médecin ici. Mais c'est un colonel ici. Il est colonel de la médecine. Lui, c'est le colonel de la marine. Et même dans la marine encore, il y a les marines fusillées. Il y a des flottes. Il y a les flottes de surface. Il y a des sous-marins. Vous regardez, il est colonel. Et même les apôtres sont différents dans le ministère apostolique. Même les apôtres. Il y a des apôtres qui sont. Ne faites pas dire des choses ici là-dedans. Alors, ça veut dire quoi? La solution, c'est le Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est là, il arrange les choses. Parce qu'en réalité, le problème, c'est que on veut entrer dans la chose de Dieu avec l'intelligence. Ça veut dire que maintenant, il sent que je suis capable de faire telle chose. Ça ne doit pas être ainsi. Ce n'est pas notre capacité qui doit œuvrer pour Dieu. C'est le Saint-Esprit qui doit œuvrer au travers de nos capacités. Donc, c'est lui qui doit. Il faut attendre. D'accord? L'homme a la capacité naturelle de prêcher. Parce que je peux enseigner la mathématique à l'école, la physique à l'école. Mais pas pas par le Saint-Esprit, par l'intelligence. De la même façon, on peut aller apprendre ceci à l'école théologique, comme les gens le font, le faire. Mais quand il va, pour ce qui est de la prédication qui fait entrer les gens dans la vie éternelle, il faut le Saint-Esprit derrière. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit. Oui, pour la dernière préoccupation. Oui. C'est sûr que c'est la dernière, parce que quand j'ai parlé, ça va encore se produire encore l'autre. J'ai un problème concernant les dons spirituels. Oui. Parce que moi-même, je ne sais pas. Il y a cinq enseignements concernant les dons et les appels. Le Seigneur va te donner tous les noms, des enseignements. Oui. Non, pose la question. Peut-être que ça peut donner une autre direction. Oui, bon, j'ai un problème concernant les dons spirituels. Oui. Parfois, je ne connais pas mon don. Oui. Je vais vraiment connaître. Tu veux connaître ton don? Oui. Regarde comment on se regarde bien dans les yeux. Oui. Une fois de plus, je viens de répondre à ces questions. Mm-hmm. Le don spirituel est donné par le Saint-Esprit. Oui. Donc, il n'y a pas de don sans Saint-Esprit. Mm-hmm. Parce que le don, ça veut dire charisme. Tu dois connaître, c'est quoi? Non, avant ça, il faut le Saint-Esprit. Bien sûr. Tu ne peux pas dire, c'est pas dire que qu'est-ce que le Saint-Esprit va me donner? Mm-hmm. Il faut qu'il soit là. Quand il est là, il t'octroie. Voilà le problème. Mm-hmm. Le problème, c'est le Saint-Esprit. Tu comprends la façon dont je viens de parler? Mm-hmm. Bon, maintenant, si j'ai le Saint-Esprit, enfin, tous sans exception dans la Bible savaient ce qu'il faisait, pas vrai? Pourquoi donc, aujourd'hui il y a l'ambiguïté? Parce que les gens ont semé beaucoup de choses là-bas, les livres qu'on écrit, qu'on a tous ceci, fait ceci. La Bible a été donnée une fois pour toutes. C'est ça. Quand ils écrivaient les livres, ils ne vendaient pas. Et aujourd'hui, on croit que Dieu va utiliser le livre pour changer la vie des gens. Et là, on prend le livre, on met à la place. Vous allez chez les chrétiens, ils lisent beaucoup plus de livres. Comme vous avez parlé de Rick Warren, j'ai acheté son livre. Ah, 40 jours, quoi. 40 jours, je passe 40 jours, je vais. Ça a changé. Une vie motivée par l'essentiel. À la fin, il te parle de l'évangélisation. En plus, voilà les choses qu'on va Rick demander. Warren. Mmh. Rick Warren, oui. Le 40e jour. Mmh. Donc, quand tu dis que. Bon, alors, 41 jours, qu'est-ce qui est arrivé? Non, enfin, le 41 jour, enfin, il fallait évangéliser. Bon, tu as là, évangéliser, toi, j'ai écrit les banderoles là-bas. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Et donc, je n'avais pas de. Bon, reviens donc ici, ma soeur. Mais c'est pas possible, non, mon Dieu. Si tu lis Actes des Apôtres, 57 fois, on parle de l'esprit là-bas. C'est l'esprit qui conduit l'église. Mm-hmm. Jésus, notre Seigneur, quand il a fini de nos instructions dans Matthieu 28, que nous avons lu dans la première partie ici, a dit aux disciples dans Luc chapitre 24, c'est pour ça que je vous donne Luc chapitre 24 en complément de cela. Il dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dans le Saint-Esprit, on ne peut pas fonctionner. Il dit, et vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous recevrez, vous serez mes témoins. Ok, je m'en vais témoigner. Témoigner Jésus. Témoigner Jésus sans le Saint-Esprit, c'est une vie de mensonge. Ok. Témoigner. Jésus qui se guérit. Vraiment, il guérit. Prouve. Donc, il a fait dans la Bible, il a fait ça, Satan connaît ça. Il a fait dans la Bible. Tu connais la femme a perdu des sang, il a guéri. Oui. Il a dit, ceux qui seront, vous serez mes témoins. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2, verset 4, que comment échapperons-nous en égrant ainsi grand salut qui d'abord annoncé par les disciples du Seigneur ont été confirmés par ceux qui ont reçu et le Seigneur appuyant leur témoignage par des paroles et par des miracles et les différents dons du Saint-Esprit envoyés du ciel. Leurs paroles parlent témoignages. Donc, quand ils témoignent, le Saint-Esprit accompagne. Donc, prêcher la parole sans le Saint-Esprit est équivalent à quelqu'un qui va en guerre avec le fusil non chargé. Tu vois les limites, tu dis oh, les mains. Il fait comme ça là. Quelqu'un fuit. Il dit viens tirer. Tu fais ça, ça fait crac, crac. Et qu'ils entendent que tu as fait crac, crac, il n'y a pas de balle. Tu vas leur dire ce que tu fais là-bas. On est en territoire ennemi. Jésus, sachant cela, nous a dit qu'on attend. Il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à. Pendant qu'il restait à Jérusalem, il dit, vous pensez que quelqu'un n'est pas mort à Jérusalem? Vous pensez que quelqu'un n'est pas décédé? Ils n'ont pas dit que, merde, on va rester comme ça, les gens périssent dehors. Allons sauver les gens. Tu vas faire comment pour que quelqu'un entre dans le royaume de Dieu? Avec les mains, bien en évitant qu'il vienne dans le lieu de prière. Quand quelqu'un vient dans le lieu de prière, il entre dans le royaume. C'est le Saint-Esprit qui amène les gens dans l'église du Seigneur Jésus. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour dans l'église ceux qui étaient sauvés. Donc l'église est constituée des sauvés, pas des sympathisants, les membres qui viennent pour voir s'ils vont être sauvés. Comment ça, ma soeur? Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Oh, des questions? Une deuxième pause, c'est un pause. Oui. Je voulais juste conclure. Oui. Donc, sans baptême du Saint-Esprit, on a mis don, on a mis appel. Donc, quand on reçoit la parole, et qu'on entend la voix du Seigneur, qu'on reconnaît sa voix, en attendant ce moment-là, on, Je pourrais plutôt dire ceci. Où est-ce que tu vas avec la lampe sans huile dedans? Où est-ce qu'on va avec la lampe sans huile? Il faut qu'on réponde à cette question, n'est-ce pas? À tout à l'heure. Oui, mon conseil. Tu vois que tout à l'heure, tu avais dit que c'est une dernière préoccupation. Moi, supposons que moi, j'ai dans le Saint-Esprit. Oui. Non, si tu as dans le Saint-Esprit, tu n'auras pas l'ambiguïté, parce que ceux qui ont le Saint-Esprit connaissaient leur attache. C'est ça qu'elle dit qu'elle suppose. Non, mais il dit si. Donc, on se met dans la même supposition. J'ai dit que j'ai le Saint-Esprit. Tu as vu que c'est une pure supposition. Ça veut dire qu'elle a compris la question que tu posais. Non, ok. Je voudrais que vous répondiez à moi. Oui. Moi, je me dis. Oui. J'ai le Saint-Esprit. Ok, tu t'es dit. Oui. On va confronter cela maintenant à la parole. Oui. C'est simple. Je dis j'ai le Saint-Esprit et je suis. Je vous parle parce que je me dis que ça peut être les hallucinations ou encore. Je peux dire. Je peux parler un peu de mon don. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Oui. Je suis convaincu que j'ai le Saint-Esprit en moi. Oui. Et je peux dire que j'ai le Saint-Esprit. Oui. Est-ce que je suis pas en mesure de le dire? Non, tu peux le dire. Parce que l'apôtre Paul dit que ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu le Seigneur Jésus? Il savait de quoi il est question. C'est pour ça qu'il dit, si vous mangez l'ondolé, vous savez que vous avez mangé l'ondolé. Okay. Mais il faut qu'il voit vraiment, si vous me décrivez l'ondolé, je vais me tourner vers une doigt et dire, ce qu'elle dit là, c'est l'ondolé. Donc, si je parle du Saint-Esprit, la façon dont vous avez reçu, je vais me tourner vers la personne appropriée pour demander si d'après, c'est toi ici, et c'est à cette personne-là, c'est là. D'accord? À tout à l'heure. Amen. Que Dieu te bénisse. On part pour le baptême. Oui, tu peux te